إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui dans notre explication de Al-Usul al-Thalatha avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et donc on a expliqué, maintenant on est dans la deuxième partie, hein, la deuxième partie de l'introduction de Al-Usul al-Thalatha. Et on a terminé le premier point qui est mentionné dans cette deuxième partie. On sait que dans cette deuxième partie il y a trois points. Et on a expliqué le premier, que Allah nous a créé et qu'il nous a envoyé des messagers. Le deuxième point, c'est l'ordre d'adorer Allah seul et de rien associer avec lui dans l'adoration. Ça, c'est le deuxième point. Et c'est dans ce point-là qu'on a commencé à parler la semaine passée. Inch'Allah, donc, on va continuer, Inch'Allah, l'explication. Le Cheikh dit, « قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا خالط الشرك العبادة فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها كما أن الطهارة إذا خالطها ناقض من نواقض الوضوء أفسدها وأبطلها ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. Donc le Cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et s'ils avaient commis le shirk, tout ce qu'ils auraient commis comme, tout ce qu'ils auraient appliqué ou pratiqué comme œuvre ou comme action, aurait été certes annulé et aurait été en vain. Donc d'appliquer et de faire les œuvres sans avoir appliqué ces œuvres-là et fait ces œuvres-là en étant sur le tawhid, alors ça fait en sorte que nos œuvres sont vaines. Si on n'a pas appliqué les œuvres avec ikhlas, avec sincérité pour Allah, s'il y a du shirk dans nos actions, eh bien ces œuvres-là n'ont pas de valeur. Donc le shaykh il dit que si une adoration a du shirk dedans, donc dans ce cas-là on n'appelle pas ça une adoration. Une adoration est uniquement appelée ibadah ou adoration lorsqu'elle est faite avec le tawhid. Donc si quelqu'un fait la salat et qu'il n'a pas fait la purification avant, il n'a pas fait son wudu, alors dans ce cas-là, on ne va pas appeler ça une salat. Et ça, c'est la même chose pour une adoration lorsqu'elle est accomplie et qu'elle est mélangée avec du shirk. Si cette adoration-là est mélangée avec du shirk, cette adoration-là, elle est corrompue par ce shirk. Et c'est comme la même chose pour la purification. Lorsqu'elle est mélangée avec quelque chose qui vient annuler le wudu, alors elle vient corrompre cette adoration-là, hein, elle vient corrompre ce wudu, elle vient corrompre cette purification, et elle vient détruire cette purification. Et donc c'est pour ça que on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il a réuni entre deux choses. Il a réuni entre l'ordre d'adorer Allah seul et l'interdiction de commettre le shirk. Ces deux choses-là vont ensemble. Ensuite, le shaykh il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. C'est-à-dire, adorer Allah et n'associer rien avec lui. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى لا إله إلا أنا فيه أمران فيه نفي الشرك وإثبات العبادة. Donc le Cheikh il dit ensuite, il mentionne des versets qui confirment cette règle et confirment ce point-là et ce principe-là. Hein? Parce qu'on explique la partie où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit que Allah n'est pas satisfait qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration. Qu'on adore quoi que ce soit d'autre avec lui dans l'adoration. Donc il dit dans le verset 36 dans Surat An-Nisa, verset 36 dans Surat An-Nisa, adorez Allah seul et n'associez rien avec lui. Ne faites pas de shirk avec lui. Et dans un autre verset, il dit, dans la Surat Al-Bayyina, dans le verset 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. C'est-à-dire, à propos des gens du livre, les juifs et les chrétiens et les mouchriquins, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'avait été ordonné que d'adorer Allah seul, en lui vouant un culte pur, en l'adorant lui seul, hein, et en rendant leur religion pure uniquement pour lui, tout en étant des hunafa, c'est-à-dire en étant des gens qui se tournent uniquement vers Allah et qui se détournent complètement de tout ce qui est en dehors d'Allah parmi les choses qui sont adorées par les hommes. Donc, ça c'est un principe de base, encore une fois, confirmé par ce verset. Le verset 25 maintenant, dans Surat Al-Anbiya, le verset 25, dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Et nous n'avons envoyé de messager avant toi, excepté que nous lui avions révélé, rien ne mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi. Donc ça c'est le message que Allah a donné à tous les messagers. Rien ne mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire adorez Allah seul. Wa qawluhu la ilaha illa ana fihi amran. Fihi nafi al-shirk wa fihi ithbat al-ibadati lillah ta'ala. Donc dans ce verset, il y a deux choses. Quand Allah dit la ilaha illa ana, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté moi, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, la négation du shirk, et deuxièmement, l'affirmation que l'adoration doit être uniquement pour Allah seul. Wa qawluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قرن بين عبادة الله واجتناب الطاغوت لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا مع اجتناب الطاغوت وهو الشرك وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Donc le Cheikh il explique ici, il dit, il confirme encore cette règle par d'autres versets, comme le verset 23 dans Surat Al-Isra. Le verset 23 dans Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ton Seigneur a ordonné ou a décrété que rien ne soit adoré excepté lui. Allah ta'abudu illa iyyahu. C'est-à-dire que vous n'adorez rien excepté lui. Et dans un autre verset, le verset 36, dans Surat An-Nahl, l'abeille, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لَقَدْ بَعَثْنَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا. Nous avons envoyé dans chaque nation, dans chaque peuple, un messager, leur ordonnant, leur disant, adorez Allah seul et écartez-vous du tarot. Écartez-vous du tarot, c'est-à-dire écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les hommes, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Hein? Peu importe qu'est-ce que ça peut être. C'est-à-dire, peu importe qu'est-ce que les hommes adorent en dehors d'Allah, il faut s'en écarter. Que ce soit un djinn, que ce soit un être humain, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, que ce soit un saint, que ce soit une tombe, que ce soit un tombeau, que ce soit un arbre, une pierre, le soleil ou la lune, ou autre créature parmi les créatures d'Allah, hein, c'est un tarout s'il est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni encore une fois entre l'ordre d'adorer Allah, entre le fait d'adorer Allah et de s'écarter du tarout. Ces deux choses-là sont ordonnées ensemble. Parce que l'adoration ne peut être une adoration excepté si elle est en même temps avec le fait de s'écarter du tarout, hein, c'est-à-dire de s'écarter du shirk. Et il mentionne le verset 256 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala confirme encore une fois ce principe. Il dit « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا » Donc on voit ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 256 dans Surat al-Baqarah, alors quiconque a renié le tarout, a renié ce qui est adoré en dehors d'Allah, et a cru en Allah seul, alors il s'est certes accroché à l'anse la plus solide qui ne se brisera pas. Qui ne se brisera pas, c'est-à-dire hein, le tawhid. Quiconque renie le tarout, ce qui est adoré en dehors d'Allah, et croit uniquement en Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brisera pas. Le cheikh, il dit ensuite, فَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ لَا يَكْفِي إِلَّا مَعَ الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ وَإِلَّا فَالْمُشْرِكُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَكِنَّهُمْ يُشْرِكُونَ بِهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ عِنْدَهُمْ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَلَكِنْ يُفْسِدُونَهُ بِالشِّرْكِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Donc là, ici, le cheikh il explique que c'est pas suffisant de croire en Allah. Il y a plein de gens qui disent aujourd'hui on croit en Allah, on croit en Dieu, mais c'est pas suffisant. Il faut, en même temps qu'on dit je crois en Allah, en même temps il faut renier le tarout. Il faut rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les autres, hein, par les autres mouchriquins et les kuffars. Tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et on sait que, par exemple, bon, les catholiques maintenant, la semaine passée ou la semaine d'avant, ils ont choisi un nouveau saint. Hein, ils ont canonisé un homme qu'ils ont déclaré saint. C'est-à-dire, avant, ils ne l'avaient pas déclaré saint. Là, tout d'un coup, ben, on sait qu'il est mort depuis une centaine d'années ou plus même. Mais c'est maintenant qu'ils ont décidé qu'il était saint. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont rajouté son nom dans la liste des saints. Hein? Et il n'y a pas longtemps, il y avait également, je pense que c'était la semaine passée, il y avait la fête que les catholiques célèbrent, qui s'appelle la Toussaint. C'est-à-dire la fête de tous les saints. Et là, dans cette fête-là, ils prient aux saints et ils en profitent pour adorer les saints. Tout ça, c'est des exemples de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Premièrement, qui détient la connaissance et la capacité de canoniser quelqu'un et de déclarer qu'il est saint? Excepté Allah. Personne ne sait qui est saint, excepté Allah. Et est-ce que quelqu'un qui était mushrik kafir peut être saint? Bien entendu que non. Hein? Puisque le saint, celui qui est saint ou qui est vraiment, vraiment pieux, et qui craint réellement Allah, c'est uniquement la personne qui est sur le tawhid et qui adore Allah seul. Et même si une personne est une personne pieuse et une personne sainte, est-ce que ça justifie qu'on l'élève à un certain niveau puis qu'on le prenne comme un intermédiaire entre nous et Allah puis qu'on lui offre des prières et des invocations pour lui demander de l'aide dans les affaires de la dunya ou dans les affaires de l'au-delà? Non, ça c'est du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la base même de l'idolâtrie. Et c'est ça ce que tous les messagers d'Allah sont venus pour interdire et pour combattre sur la terre. Hein? En commençant par Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité, ils sont tous venus pour combattre ces exemples de shirk. Bon, ça c'est un exemple aussi, une bonne question. Le frère, il pose la question au sujet, yani, est-ce qu'il y a des saints dans l'islam? Mais qu'est-ce qu'on a dit au sujet des saints dans la religion des chrétiens ou des catholiques? C'est la même chose par rapport à qu'est-ce qu'on peut dire sur les questions des saints dans l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas un degré ou un niveau ou une hiérarchie ou un statut de personne qui décide qui est saint, qui n'est pas saint premièrement. On n'a pas d'église ou de clergé qui vont canoniser quelqu'un pour dire lui c'est un saint, lui c'est pas un saint. Hein? Des fois ils ont mis quelqu'un dans la liste des saints, après quelques temps ils ont découvert qu'il n'était pas vraiment un saint, ils l'ont enlevé de la liste. Hein? Pendant ce temps-là, des gens continuaient à prier cet individu-là ou à le prendre comme un intercesseur. Donc ça c'est du shirk. Dans l'islam, Allah seul est celui qui connaît le cœur des hommes. Peut-être que quelqu'un, pour nous, il paraît comme étant une personne pieuse, mais c'est seulement Allah qui connaît l'intérieur de son cœur. Peut-être que la personne n'était pas sincère dans son cœur, seul Allah le sait. Hein? Et donc, nous, les seules personnes au sujet desquelles on peut témoigner que ce sont des pieux, c'est ceux au sujet desquels Allah et son messager ont témoigné qu'ils sont pieux. D'accord? Ça, c'est de un. En dehors de cela, on ne peut pas témoigner qu'ils sont pieux, puisqu'on n'a pas de preuve ou de référence en dehors de ça. Deuxièmement, pour que il n'y a pas de catégorie ou de groupe qu'on appelle saint comme chez les chrétiens ou chez les catholiques dans l'islam. Hein? Sauf qu'il y a des gens qu'on appelle des soufis, des gens de bid'a, une secte qui appartient aux différentes sectes qui se disent musulmanes, et parmi les croyances de cette secte, c'est qu'ils prennent des êtres humains comme intermédiaires et intercesseurs entre eux et Allah, et ils leur donnent des caractéristiques et des attributs et des qualités, parfois qui sont des caractéristiques divines ou surnaturelles ou semi-divines, et ils croient que ces hommes-là sont des intermédiaires et des intercesseurs. Et ils ont mis, pour que quelqu'un devienne un saint, ils ont établi des conditions qu'ils ont inventées eux-mêmes. Ils croient que, comme par exemple, que pour être un saint, il faut faire des miracles à volonté. Ils croient que pour être un saint, il faut avoir le contrôle de l'univers. Ils croient que pour être un saint, il faut connaître l'invisible et savoir l'avenir et pouvoir faire des tours de magie et des trucs de ce genre. Et donc, en fait, ce sont des sorciers parfois, ce sont même des charlatans, et ils utilisent justement l'ignorance des gens pour les contrôler puis pour jouer avec eux. Et ils croient donc que ces hommes-là, une fois qu'ils meurent, dans leur tombe, ils continuent donc à avoir des pouvoirs et à pouvoir faire des miracles. Et donc ces gens-là vont faire des pèlerinages à leur tombe et vont leur demander des guérisons ou vont leur demander des services ou des offrandes, des choses. Ils vont leur offrir des animaux en offrande, ils vont faire des tours, ils vont tourner, circuler autour de leur tombe comme on fait à la Mecque, autour de la Kaaba. Ils pensent que de faire ça autour de leur tombe, c'est légiférer. Tout ça, c'est des exemples de shirk que certains musulmans font au nom de l'islam, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et donc, en plus de ça, ils croient que la sainteté ou le degré de wilaya, comme ils l'appellent, ils traduisent le terme saint en français, ils le disent en arabe, ils utilisent le terme wali. Et en arabe, la réalité du terme wali, c'est plutôt un homme qui est rapproché d'Allah, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui craint Allah, qui croit en Allah et qui est pieux, qui est rapproché. Eux, ils utilisent ce terme-là, wali. Le pluriel de wali, c'est awliya. Awliya. Donc eux, ils prétendent que ça, c'est les saints dans l'islam, les awliya ou les wali. Dans certains pays, ils les appellent les sayyid ou les asyad. Hein? Et donc, ils croient que ce sont ceux-là les saints. Et ils pensent que le wilaya, le fait d'être un saint ou d'être un wali, ils pensent que c'est quelque chose qui s'acquiert pas. C'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose que Dieu donne. Et ils croient qu'une fois que quelqu'un l'a, il peut le donner à qui il veut. En fait, il croit aussi que ça peut s'acquérir aussi d'une certaine façon, puisqu'il croit qu'en pratiquant certains exercices spirituels, hein, qu'eux, ils ont inventé eux-mêmes, comme de s'isoler dans un monastère, dans une montagne, quelque chose pendant des mois, puis de jeûner continuellement, puis de se priver de nourriture et de, hein, de pas se marier, de rester comme ça. Des fois, il y en a même qui vont faire des choses, pires que ça, comme ils vont aller vivre dans des dépotoirs, rester comme des clochards dans la rue, hein, puis ils pensent que en faisant ça, ils cassent leur nafs, ils cassent leur ego, puis ils deviennent des saints en faisant ça, des choses de ce genre. Ils se purifient pas, ils prient pas, ils jeûnent pas, ils font rien de ce qui est obligatoire, puis en faisant ça, ils deviennent des saints. C'est le shaitan qui les a séduits, et ils pensent que donc, comme je te dis, ils peuvent donner cette wilaya à qui ils veulent et que ça se transmet de père en fils. Donc c'est quelque chose dont ils héritent, hein. Ainsi que toutes sortes d'autres superstitions de ce genre. Donc dans l'islam, il n'y a pas de sainteté, comme on le dit. Dans le christianisme, ça n'existe pas. Et il y a le fait d'être rapproché d'Allah et d'être pieux, mais personne ne peut prétendre pour lui-même d'être pieux, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. C'est-à-dire, ne vous purifiez pas vous-même. Allah, c'est lui qui sait lequel d'entre vous le craint réellement. Donc, t'as pas à dire de toi-même, moi je suis un pieux, moi je suis un saint, moi je suis rapproché d'Allah. Si tu dis ça, c'est comme si t'es en train de te purifier toi-même. Et Allah nous a interdit de faire ça. Donc, on n'a pas le droit de se prétendre soi-même un bon musulman, un bon croyant, d'être pieux ou des choses de ce genre. Et c'est Allah seul qui sait réellement qu'est-ce qui est dans le cœur d'un homme. Donc, personne peut être certain de ce qui est dans le cœur de l'autre. Donc, nous, on peut penser du bien de notre frère et espérer pour lui qu'il soit parmi les pieux, parmi les rapprochés. Mais de là à le dire avec certitude et de le dire... comme ceux qui prétendent, par exemple, à propos de certains qui disent « Ah, lui, c'est un martyr, il est dans le paradis », alors qu'il n'a pas aucune preuve du Coran et de la Sunna pour dire qu'un tel individu est précisément au paradis, alors ça, c'est pas permis. Puisqu'on n'a pas le droit de dire que quelqu'un est martyr avec certitude, excepté si on a une preuve du Coran et de la Sunna à propos d'un individu en particulier. Hein? On a le droit de souhaiter pour lui ou d'espérer pour lui qu'il soit un martyr, mais on n'a pas le droit de le certifier ou de le dire avec certitude. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comme ce que disaient, par exemple, certains des Ikhwan, quand ils parlent de Sayyid Qutb ou de Hassan al-Banna, ils disent « Shahid al-Islam », hein, comme si ça y est, c'est le martyr de l'islam. Et c'est des exemples de ce qui est interdit de faire, yani. Come closer. Donc ça, c'est des exemples à ce sujet-là. Pardon? Des shahids. Oui. Non, il y a certaines morts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit. Que celui qui meurt, une de ses morts, il meurt shahid. Mais encore là, ça c'est quelque chose, si nous on voit que quelqu'un meurt dans cette situation-là, ou de cette façon-là, on souhaite pour cette personne qu'il soit shahid, mais on ne peut pas le dire avec certitude qu'il sera shahid à cause de ça. Ça se peut qu'il aurait fait le shirk, ça se peut qu'il aurait fait des péchés, ou qu'il aurait fait des choses... qui fait en sorte que Allah lui donnera pas ce degré là, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith: man qutila duna malihi fa huwa shahid, man qutila duna nafsihi fa huwa shahid. Celui qui se fait tuer en défendant sa personne, en défendant ses biens, il est shahid, ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc ça, c'est des choses, quand quelqu'un meurt dans ces situations-là, on souhaite pour cette personne qu'il soit shahid. Mais on ne peut pas le dire avec certitude confirmée, parce que c'est Allah seul qui sait qu'est-ce qui est dans le cœur de cette personne et si cette personne, elle sera vraiment shahid ou non. Donc, pour revenir à ça, c'est pour revenir où on, est, où on en était, c'est pour expliquer que la plupart des gens, ils croient en Allah. Sauf que ils croient en même temps au Tarout. Donc, c'est pas suffisant que tu dises que tu crois en Allah. Il faut, en plus de ça, que tu rejettes et que tu nies le Tarout. C'est-à-dire que tu rejettes tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Sinon, même les mushrikoun, ils croient en Allah. Même les mushrikoun, ils disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient en un créateur. Hein? Sauf que, en même temps qu'ils disent qu'ils croient en Allah, ils font le shirk. Comme Allah, il le dit dans verset 106, dans Surat Yunus. Hein? Le verset 106, dans Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. C'est-à-dire, la plupart d'entre eux ne croient en Allah excepté qu'en étant des mushrikoun. C'est-à-dire, ils croient en Allah, mais ils sont des mushrikoun. C'est-à-dire, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Mais, en même temps, ils vont adorer d'autres que Allah. Donc, dans ce cas-là, ils ne sont pas des vrais croyants en Allah, ce sont des mushrikoun. Parce qu'ils font le shirk avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala prouve que ces gens-là, ils ont une foi en Allah, sauf que cette foi-là, elle est corrompue par le shirk. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ هَذَا مَعْنَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَنَّ مَنْ عَبَدَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ. Ça c'est la signification de la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab quand il dit que celui qui adore Allah et qui a obéi au messager, alors il ne doit pas faire de shirk avec Allah et il ne doit rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit parce que Allah n'accepte pas et n'agrée pas qu'on associe avec lui quoi que ce soit dans son adoration. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هناك قوم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويكثرون من ذلك ويصومون ويحجون ولكنهم يدعون الأضرحة ويعبدون الحسن والحسين والبدوي وفلانا وعلانا ويستغيثون بالأموات. هؤلاء عبادتهم باطلة لأنهم يشركون بالله عز وجل ويخلطون العبادة بالشرك فعملهم باطل حابط حتى يوحدوا الله عز وجل ويخلصوا له العبادة وَيَتْرُكُوا عِبَادَةَ مَا سِوَاهُ. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith, en fait c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte ce hadith et qu'il cite les paroles d'Allah dedans, on appelle ça un hadith qudsi. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit je suis d'entre tous les je suis celui qui peut complètement se passer de tout partenaire. Ana aghna ash-shuraka'a 'an ash-shirk. Je suis celui qui se passe complètement de partenaire. Et je n'ai aucun besoin de partenariat ou d'avoir des partenaires parmi les partenaires. Celui qui fait une œuvre, une action par lequel il associe avec moi autre que moi, celui qui fait une œuvre par laquelle il associe avec moi autre que moi, alors dans ce cas-là, je l'abandonne avec ce qu'il m'a associé. Je l'abandonne avec ce qu'il m'a associé et avec son associé. Et avec son shirk. Donc ça veut dire que si quelqu'un, il fait une adoration pour Allah, mais que dans cette adoration-là, il associe d'autres avec Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il disait, je n'en veux pas de cette adoration-là. Et elle, cette adoration que tu as faite et que tu as associée d'autres avec moi, je la donne à ceux à qui tu l'as associée. Moi, j'en veux pas. Hein, c'est comme si Allah, il n'en veut pas de cette adoration-là. Il la laisse pour ceux à qui tu l'as associée. Pour ceux à qui, avec qui tu l'as associée. Donc, tu perds la valeur de cette œuvre. Elle n'aura aucune valeur à cause de ça. Hein? Donc, Allah, il acceptera uniquement une adoration de quelqu'un si cette adoration-là, elle est faite avec sincérité et avec pureté d'intention, uniquement pour Allah seul. Et il dit qu'il y a des gens qui font la salat, ils se disent musulmans, ils témoignent de la ilaha illallah, de Muhammad Rasulullah, et ils font, ils disent ça et ils font ça continuellement, ils font le jeûne, ils font le hajj, hein, mais en même temps, ils vont invoquer des tombes, des tombeaux, des saints, hein, ils vont adorer les descendants de Ali radiallahu anhu, Al-Hassan ou Al-Hussein. Ils vont prier aux tombes des individus qu'ils considèrent comme étant des hommes saints, comme un homme qu'ils appellent Al-Badawi, hein, par exemple. Subhanallah. En Égypte, ils ont une tombe sur laquelle ils ont construit une mosquée ou un mausolée et ils croient que c'est la tombe d'un saint. Il l'appelle Al-Badawi. Cet homme-là s'appelle Al-Badawi en Égypte. Al-Badawi, c'est un homme qui vient d'origine du Maghreb ou de l'Andalousie, quelque chose comme ça, qui est parti en Égypte, puis qu'à un moment donné, bon, quand ils l'ont pris comme un saint là-bas, et c'était un soufi, bien entendu, et quand il est mort, ils ont construit sur sa tombe cette mausolée, et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens vont là-bas chaque année faire un pèlerinage. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe là-bas en Égypte. Chaque année, des gens vont faire un pèlerinage. Hein? So, honey, do you understand what we're saying? Yeah. A little bit, yeah. Because we're talking about the example. Il s'appelle Badawi, Ahmed al-Badawi. The examples of some people that they say La ilaha illallah, they say Muhammad Rasulullah, they make salah, they make hajj, they make, you know, they fast, everything, and at the same time they're praying to graves and worshipping dead people and, you know, praying to Al-Hassan wal-Hussein and praying to Al-Badawi, examples like in Egypt, what's happening over there, when every year they do a pilgrimage to the grave of that man. And they think that it can help them and save them from diseases or other things. So these are examples of shirk, you know. Ils invoquent les morts. Donc ceux-là, leur adoration, elle est totalement vaine. Wa alaykum salam wa rahmatullah. The people who do these kinds of worshipping to these dead people, their worship has no value for Allah subhanahu wa ta'ala. It's batil. Because they are doing shirk with Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mélangent l'adoration avec du shirk. Donc, leurs œuvres, elle est complètement fausse, invalable, et complètement nulle et vaine. Jusqu'à ce qu'ils unifient Allah seul, et qu'ils purifient leurs adorations pour Allah seul, et qu'ils abandonnent l'adoration de d'autres choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Until they purify their worship to Allah alone, their worship will not be valid. وَإِلَّا فَإِنَّهُمْ لَيْسُ عَلَى شَيْءٍ فَيَجِبُ التَّنَبُّهُ لِهَذَا لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ فِي عِبَادَتِهِ أَحَدًا كَائِنًا مَنْ كَانْ لا يرضى سبحانه بمشاركة أحد مهما كان لئلا يقول أحد أنا أتخذ من الأولياء والصالحين والطيبين شفعاء أنا لا أعبد الأصنام والأوثان كما هو في الجاهلية أنا أتخذ هؤلاء شفعاء لا أعبدهم فنقول له هذه مقالة الجاهلية اتخذوا شفعاء عند الله لأنهم صالحون وأولياء من أولياء الله والله لا يرضى بهذا. Donc le cheikh il dit que excepté que ces gens-là qu'est-ce qu'ils font, c'est ça ne tient sur rien, ça ne se tient sur rien. Et ça, c'est très important de faire attention à ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas et il n'accepte pas qu'on fasse du shirk avec lui dans son adoration. Peu importe qu'est-ce qu'on associe avec lui, peu importe l'importance ou la position de cette chose qu'on associe avec lui. Même si c'est un grand prophète, un noble prophète, un ange ou autre, hein? Et quand on dit ni un ange rapproché, ni un messager rapproché, hein? On sait que le meilleur d'entre les messagers, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on n'a pas le droit de l'associer, lui, avec Allah, donc tous ceux qui sont en dessous de lui, on a encore moins le droit de l'associer avec Allah. Hein? Et la même chose pour les anges. Si on dit que les anges les plus rapprochés d'Allah, on n'a pas le droit de les associer avec Allah. Donc si c'est le cas des anges les plus rapprochés, alors que dire de ceux qui sont moins rapprochés parmi les autres? Hein? C'est encore plus grave. Et donc, ça c'est un argument parmi les plus puissants et les plus forts pour refuter justement le shirk. Que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté qu'on l'associe lui avec Allah dans l'adoration, et il n'a pas accepté qu'on adore Jibril en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est l'ange le plus rapproché d'Allah parmi les rapprochés, alors comment quelqu'un peut venir aujourd'hui puis dire « Moi je prends un saint, un tel saint parmi les saints » qui est rapproché d'Allah comme intermédiaire entre moi et Allah parce que lui, il est plus proche d'Allah que moi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est plus proche d'Allah que lui. Et lui, il a interdit qu'on le prenne comme intermédiaire ou intercesseur auprès d'Allah. Donc, comment prendre quelqu'un qui est moins que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de le prendre comme intermédiaire auprès d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, quand je dis intermédiaire, c'est-à-dire que ou intercesseur, c'est-à-dire une fois qu'il est décédé, une fois qu'il est mort sallallahu alayhi wa sallam, on n'a plus le droit de l'invoquer dans sa tombe, hein? C'est pas comme s'il était vivant aujourd'hui comme il était à l'époque avec ses sahaba et que les sahaba allaient le voir pour lui demander de faire un dua pour eux, hein, ou d'invoquer Allah pour eux ou de demander pardon pour eux ou ainsi de suite. Ça c'est un cas différent, mais là maintenant qu'il est décédé, qu'il est mort sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut plus faire ça avec, on ne peut plus demander. Et les anges, on n'a pas le droit de s'adresser à eux pour leur demander quoi que ce soit. Si on veut quelque chose de la part des anges, c'est à Allah qu'on demande. On ne demande pas aux anges, on demande à Allah de nous exaucer. Et si Allah veut, c'est là qu'il va ordonner à ses anges de faire qu'est-ce qu'il veut pour nous. Mais c'est Allah qui contrôle les anges et qui dirige les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des anges, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent pas à Allah dans les ordres qu'ils reçoivent et ils font ce qu'ils sont commandés de faire. Donc, même si tu invoquais un ange de faire quelque chose, même si l'ange est juste à côté de toi et que toi tu es dans un danger, il pourra rien faire pour toi, sauf si Allah lui donne l'ordre de faire quelque chose pour toi. Donc ça sert à rien de l'appeler lui ou de lui demander à lui quoi que ce soit. C'est Allah qui le contrôle et qui le dirige. Naam. So, inshallah, I'm just going to summarize what I was saying in short terms, inshallah. So he says that Allah subhanahu wa ta'ala is not satisfied of anyone who will give any type of worship to other than Allah subhanahu wa ta'ala and will associate anyone else with Allah subhanahu wa ta'ala and his worship. No matter what that thing is or who that person is that you're associating with Allah subhanahu wa ta'ala. Because, you know, the Shaykh said that you cannot worship anything with Allah subhanahu wa ta'ala, even if it's a very close angel to Allah subhanahu wa ta'ala or a prophet or a messenger that was sent by Allah subhanahu wa ta'ala. So if you're not allowed to associate with Allah subhanahu wa ta'ala or take an angel that is close to Allah like Jibreel or a messenger like the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as an intermediary between you and Allah subhanahu wa ta'ala while they are the closest to Allah, so how can you allow yourself to take someone as declare that he is a saint or that he is a pious man and you're going to go to his grave and ask him to help you or something, if he is less than the messenger sallallahu alaihi wasallam and he's not as close to Allah as the angels that are closer to Allah or to the messenger, so how could you you know, go to that person who is less than them if it's not even allowed to take the messenger, sallallahu alayhi wa sallam, as an intermediate between you and Allah in your worship. So this is an example, and concerning the fact that you're not allowed to pray in the masjid if inside that masjid there is a grave. Inside, the ulama have stated that it is forbidden for a Muslim to pray in that masjid. And even the ulama have some ulama have explained that if the masjid was built over the grave, it is obligatory in this case, it's an obligation to destroy that masjid, to destroy it completely. And they said, otherwise, if the masjid was built first and then they introduced the grave inside the masjid afterwards, then it's an obligation to take that grave and to put it in another place outside the masjid. You know, but while the grave is inside, it's not allowed for you to pray inside that masjid, and your prayer will not be valid otherwise. And as for the masajid of the Shia and the Rafida, the people like the Rafida and Shia and all these other people who call to shirk, it's not allowed to pray in their masjid because these people, they are calling upon dead people and worshipping other than Allah subhanahu wa ta'ala, like Ali and Hassan and Hussein and others. So if you're praying in their masjids and you're worshipping with them, and they're worshipping other than Allah, then your prayer will not be valid. So in this case, it's not allowed. Donc comme j'expliquais aux frères, par rapport aux prières qu'on fait dans les mosquées des Rafidah, ou bien les mosquées dans lesquelles il y a des tombes, ça c'est pas permis de prier dans ces mosquées-là. Si dans une mosquée il y a une tombe, les ulama ont dit que si la mosquée était construite par-dessus la tombe, il faut détruire la mosquée au complet. Si la mosquée était avant la tombe, mais que les gens ont mis la tombe à l'intérieur, dans ce cas-là il faut enlever la tombe et la remettre à l'extérieur de la mosquée, quelque part dans un cimetière ou ailleurs, pour pas qu'elle soit dans la mosquée. Mais durant qu'elle est dans la mosquée, il n'est pas permis aux musulmans de prier dans cette mosquée-là, si la tombe est dedans. Et la prière de quelqu'un, lorsqu'il accomplit une prière dans une mosquée où il y a une tombe, cette prière-là, elle est pas valable. Elle n'a pas de... Elle ici, elle sait pas, la personne, si elle sait pas qu'il y a une tombe, ça c'est... bien entendu, il sera excusé par rapport à son ignorance. Mais du moment qu'il est au courant qu'il y a une tombe dans cette mosquée, sa prière ne sera pas valable. D'accord? Et donc, ça c'est un exemple à ce sujet-là. Et par rapport aux mosquées des Rafidah, Shia, Rafidah et tout, et des mosquées des gens qui adorent d'autres que Allah ou qui appellent au shirk, on n'a pas le droit de prier derrière eux, parce que leur prière n'est pas valable. Et donc si tu pries derrière un imam qui fait le shirk ou qui appelle au shirk, ta prière ne sera pas valable. D'accord? Si tu sais que cette personne-là appelle au shirk avec certitude, tu l'as entendu et tu l'as vu et tu vois qu'il est d'accord avec le shirk, qu'il défend le shirk, dans ce cas-là, si tu pries derrière lui avec connaissance, dans ce cas-là, ta prière ne sera pas valable. Si tu pries derrière quelqu'un, tu sais pas sa croyance, et tu pries derrière lui comme étant un imam qui est sur la sunna ou qui croit au tawhid, dans ce cas-là, ta prière est valable. Même si par la suite tu découvres, qu'il défend le shirk ou l'adoration des tombes et des morts, dans ce cas-là, ta prière ne sera pas valable. Now, if you pray and there is urine on your clothes, of course that prayer will not be valid unless you don't know that there is impurity on your clothes. But if you know that there is an impurity on your clothes, then your prayer will not be valid because it's a condition in the prayer, you know? Well, it's not because of the impurity. If you're not allowed to pray in a masjid where there's a graveyard, it's not because of the impurity of it. That means the dead person in the grave is not necessarily going to put impurity on your body or on your clothes or in the ground. This is not the reason why the Prophet ﷺ forbade us to pray in a graveyard. The reason for it is because of the shirk that is around it. Because people start to believe in that grave. and start to believe that the fact that there is a grave in that masjid, it gives it a better status, or you know, that makes it, that makes the salah that you're going to do there better than the masjid, that better than the salah that you're going to do in another masjid where there is no grave, because of that saint or that person who's buried in there. So people think that the dua that you're going to do there is going to have more value. It's going to be more, you know, Allah is going to accept it more because it's closer to the grave than the other masjid, you know. So because of that, it can lead you to fall into shirk. And this is the reason why it's not allowed. But it's not because of the impurity itself. Hein? Et comme le frère posait la question, est-ce que c'est par rapport à l'impureté du fait que le mort soit enterré dans cette mosquée-là, est-ce que c'est à cause de l'impureté que cette prière-là n'est pas valable lorsque tu pries dans une mosquée où il y a une tombe? Et la raison pour laquelle les ulama ont dit que la prière que tu fais dans une mosquée où il y a une tombe, elle n'est pas valable, c'est pas à cause de l'impureté du mort qui est enterré dans cette mosquée-là, c'est plutôt à cause du danger qui est relié avec le fait que ça ramène les gens à tomber dans le shirk. Hein, puisque avec le temps, les gens commencent à croire que de prier dans cette mosquée-là où il y a une tombe, ça a plus de valeur, et que ta prière va être plus exaucée dans cet endroit-là qu'ailleurs. Hein, et ça ramène les gens à tomber dans l'adoration de la tombe par la suite. Comme ça se passe maintenant dans plusieurs pays musulmans, dans les mosquées où il y a des tombes, les gens commencent à adorer ces morts-là qui sont enterrés là-bas, hein, et à les prendre comme des idoles. Donc ça, c'est le danger du shirk à ce sujet-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de surélever les tombes et de construire quoi que ce soit au-dessus de celles-ci. Et il a interdit également de prendre les cimetières comme des lieux de prière, hein, et les endroits où il y a des tombes, de prendre ces lieux-là comme des lieux de prière. Donc tout ça, c'est des exemples. Ensuite, le cheikh, il dit نعم فنقول هذه المقولة. Donc c'est ça, il dit ceux-là ils se tiennent sur rien, et Allah n'accepte pas qu'on associe rien, quoi que ce soit avec lui. Il n'accepte pas, peu importe qu'est-ce que ça peut être, qu'on l'associe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent comme shubha? Ils disent que nous, on les prend, ces hommes pieux et ces saints, on les prend comme des intermédiaires entre nous et Allah. On n'adore pas les idoles, on n'adore pas les statues comme les gens de la jahiliya. On fait juste les prendre comme des intercesseurs et des intermédiaires. Ça, c'est les shubuhat des mushrikines à notre époque, parmi les musulmans qui commettent le shirk dans certains pays musulmans. Ils disent, les idolâtres à la Mecque, ils adoraient des statues et des idoles. Nous, on fait pas ça. Nous, on prend ces hommes et ces femmes pieuses, hein, comme des intermédiaires et des intercesseurs entre nous et Allah. Parce qu'ils sont pieux. Parce qu'ils sont des bons musulmans, donc ils peuvent nous aider à nous rapprocher plus d'Allah. Des fois, oui, même des femmes, que certains d'entre ces gens-là, ils considèrent que ce sont des femmes pieuses, et alors ils vont à leur tombe. Comme par exemple Zaynab, hein, en Égypte aussi, il y a la tombe d'une soi-disant sainte qu'ils appellent Zaynab, et ils vont là-bas l'adorer. Et il y en a dans d'autres pays, même au Maroc et ailleurs, il y a les tombes des saintes, des gens qu'ils considèrent comme étant des saintes, et ils vont les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est leur shubha. Ils pensent qu'il y a une différence entre ce qu'ils font eux et ce que faisaient les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et le cheikh, il répond, il dit non, ça c'est la même parole que ce que disaient les mushrikines à la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même chose. Eux aussi prétendaient que ce qu'ils prenaient comme idoles et statues, c'était des représentations des hommes pieux qui était là pour être intermédiaire et intercesseur entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher d'Allah. La même chose. Donc, il n'y a pas de différence entre leur shubha et la shubha des mushrikins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le Coran. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Shufa'auna 'inda Allah. C'est-à-dire les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient la même chose. On les adore, on adore en dehors d'Allah ces hommes-là pour qu'ils nous rapprochent. Ces statues, ces idoles qu'on prend sont des intermédiaires, des représentations de ces idoles, de ces intermédiaires. Hein? Et nous, on ne croit pas que ce sont eux, que ce sont elles qui ont créé les cieux et la terre et qui peuvent nous aider, nous profiter ou nous nuire. Non. Mais ils nous aident à nous rapprocher d'Allah parce qu'ils sont pieux. Et on les utilise comme des intermédiaires. Ça, c'est les shubuhat qu'ils ont utilisés. Le cheikh, il dit ensuite, « وَقَوْلُهُ لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلٌ » الملك المقرب هو أفضل الملائكة مثل جبريل عليه السلام حملة العرش وحملة العرش ومن حوله والملائكة المقربون من الله عز وجل فمن قرب فمع قرب المكان من الله عز وجل وقرب العبادة والمكانة عند الله لو أشركهم أحد مع الله في العبادة فإن الله لا يرضى بأن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى ونوح وإبراهيم وأولي العزم ولا يرضى أن يشرك معه أحد ولو كان من أفضل الملائكة ولو كان من أفضل البشر فهو لا يرضى أن يشرك معه أحد من الملائكة ولا من الرسل فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين فغير الملائكة والرسل من باب أولى ألا يرضى الله بإشراكهم معه في العبادة وهذا رد على أولئك الذين يزعمون أنهم يتخذون الصالحين والأولياء الشفعاء عند الله ليقربوهم عند الله زلفى كما قال أهل الجاهلية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc le cheikh explique comme je disais tout à l'heure, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'associer quoi que ce soit avec Allah, ni un ange rapproché, ni un messager envoyé, ni un prophète envoyé. Donc il dit que l'ange rapproché, c'est comme Jibril, parmi les meilleurs anges. L'ange rapproché comme Jibril, comme ceux qui portent le trône et ceux qui sont autour du trône, ou bien les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'ils sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré qu'ils soient rapprochés d'Allah du fait qu'ils soient proches du trône, ou bien malgré qu'ils soient rapprochés par leur adoration et dans leur statut, ils sont rapprochés d'Allah par rapport à ce sens-là. Malgré ça, si on associait cela avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, Allah ne l'accepterait pas. Il ne serait pas satisfait de ça. Parce qu'il n'est pas satisfait qu'on associe quoi que ce soit avec lui, que ce soit un ange rapproché ou un messager envoyé, comme les messagers, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou Isa, ou Nuh, ou Ibrahim, et ainsi que les autres messagers importants, qu'on appelle Ulul Azm, les cinq grands messagers qu'on a mentionnés, comme Moussa, alayhi salam. Et ils n'acceptent pas qu'on associe aucun d'entre eux avec Allah, ni même parmi les meilleurs anges, ou parmi les meilleurs parmi les hommes. Donc, il n'accepte pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui, parmi les anges, ni parmi les messagers. Alors, que dire d'autres que eux, qui sont moindres que eux, comme les awliya et les salihin. Donc, par exemple, si un soufi ou un autre parmi les gens d'égarement qui vient te voir, il te dit qu'il va à la tombe de Ali ou de Al-Hassan, hein, ou de Al-Hussein radiyallahu anhum, ou bien qu'il va à la tombe de Al-Badawi ou de Abdul Qadir Al-Jilani ou de Ahmed Al-Tijani ou d'un autre parmi les soufis, hein, et parmi les chouyours qu'ils prennent comme intermédiaires entre eux et Allah, et il te dit, moi je vais les voir pour qu'ils m'aident à me rapprocher d'Allah. Tu leur dis, est-ce qu'on a le droit d'associer avec Allah un ange rapproché comme Jibril? S'ils disent non, alors dans ce cas-là, tu leur dis, est-ce que ce cheikh-là ou cet individu-là, il est plus rapproché d'Allah que Jibril? S'ils te disent non, alors ça c'est une preuve contre eux. Et si tu leur demandes, est-ce qu'on a le droit de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un intermédiaire avec Allah et de lui demander après sa mort, s'ils disent non, alors tu leur dis, si on n'a pas le droit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que c'est lui le plus rapproché d'entre les messagers, alors comment on pourrait avoir le droit de le faire avec Abdul Qadir al-Jilani ou Ahmed Tijani? Est-ce qu'ils sont plus proches d'Allah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et s'il dit non, alors dans ce cas-là, tu as établi l'argument contre lui et la preuve contre lui. Hein? Et c'est la même chose avec Isa pour les chrétiens, hein? Et pour les autres mouchriquins, tu leur dis, hein? comment tu peux adorer et prendre comme intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et toi des êtres créés par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah n'a jamais mentionné ou ordonné ou mentionné qu'on peut les prendre comme intermédiaire ou intercesseur. Hein? Et quand on regarde les exemples même de Isa alayhi salam dans la Bible, quand on lit dans la Bible des chrétiens, on voit la seule prière qui est attribuée à Isa alayhi salam, la seule prière qui est attribuée à Isa alayhi salam dans la Bible, c'est la prière lorsqu'il dit il s'adresse à Dieu, il dit notre Père, ils disent les chrétiens, ils font toujours cette prière là, notre Père qui êtes aux cieux. S'il s'adresse directement à Dieu dans cette prière, il n'y a nulle part où il y a la mention qu'on doit passer par Isa alayhi salam. Hein? Et donc, là, ça c'est un exemple de preuve que s'il prie, on voit l'exemple qu'ils attribuent à Isa de cette parole de prier à Dieu, il s'adresse à Dieu directement. Il ne passe pas par un intermédiaire, ou il ne demande pas au nom de Jésus, ou au nom de Marie, ou au nom de d'autres. Hein? Donc ça c'est des exemples pour leur expliquer que si les prophètes nous ont montré cet exemple là, dans ce cas là c'est cet exemple là qu'il faut suivre. Et les chrétiens ils disent souvent je suis le chemin et la vérité, nul ne va au Père que par moi. Ça c'est des exemples des versets que parfois les chrétiens ils mentionnent, nul ne va au Père que par moi, hein. Et ils disent que ça c'est la preuve que il faut prendre Jésus comme un intermédiaire pour aller à Dieu. Comme si quand tu pries, tu dois passer par Jésus. Et en réalité, si tu réfléchis bien comme il faut sur cette parole, c'est pas ça que ça signifie. Ça signifie, si vous voulez arriver à Dieu, il s'adresse aux chrétiens, aux gens de l'époque, les Bani Israël. Il leur dit, si vous voulez aller à Dieu, vous n'avez pas d'autre chemin que de suivre ma voie et de suivre mon exemple. C'est-à-dire de faire comme moi. Hein? Et si vous voulez être parmi ceux qui vont arriver à Dieu, vous devez faire comme moi, c'est-à-dire adorer Dieu directement et pas de prendre des intermédiaires entre vous-même et Dieu. Hein? Mais les chrétiens, ils suivent pas l'exemple de Isa, alayhi salam. Exactement. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il le mentionne même justement en particulier à propos de Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce que tu as dit aux hommes de me prendre moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Et Isa alayhi salam, au jour de la résurrection, il dément ces gens-là. Il leur dit, je n'ai jamais dit une chose pareille. Hein? Je n'ai pas le droit de dire cette chose, ce genre de parole. Si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Hein? Si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Et c'est toi qui connais la connaissance de l'invisible. Hein? Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire. Hein? D'adorer mon Dieu et votre Dieu. Hein? Donc ça, c'est l'exemple d'Isa alayhi salam. Et c'est ça l'adoration de Dieu et de s'écarter de tout ce qui est associé avec Allah. Donc, il n'est pas satisfait qu'on associe quoi que ce soit avec lui. Allah n'est pas satisfait qu'on associe quoi que ce soit avec lui, que ce soit un ange ou un messager. Alors que dire des autres parmi les hommes pieux et les saints, hein? Ou bien d'autres parmi les anges et les messagers qui sont moins importants que les plus importants d'entre eux. Donc, il y en a Mimbab, Aula. Dans ce cas-là, c'est si eux ne méritent pas d'être associés avec Allah, si les plus grands d'entre eux ne méritent pas d'être associés avec Allah, alors ceux qui sont en dessous de ceux-là méritent encore moins d'être associés avec Allah dans l'adoration. وهذا رد على أولئك الذين يزعمون أنهم يتخذون الصالحين أولياء شفعاء عند الله ليقربهم عند الله زلفى كما قال أهل الجاهلية ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. Donc ça c'est la réponse à ceux qui prétendent qu'ils prennent les hommes pieux comme des intermédiaires et des intercesseurs pour se rapprocher d'Allah un peu plus, comme les gens de la Jahiliya mentionnaient à ce sujet-là. Allah, il cite justement cette parole, il mentionne ça dans le verset 3, dans Surat Az-Zumar. Il dit que les mushrikoun disaient, on les adore seulement pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah, hein, pour qu'ils nous rapprochent d'Allah un peu plus. Donc ça c'est un prétexte ou un argument qu'il mentionnait et qui a été réfuté par Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Donc le cheikh dit illa fahum ya'taqiduna anna ha'ula'i la yakhluqun la yarzuqu wa la yarzuqun wa la yamlikuna mawtan wa la hayatan wa la nushura wa innama qasduhum at-tawassut عند الله عز وجل ولذلك صرفوا لهم شيئا من العبادة تقربا إليهم ذبحوا للقبور ونذروا للقبور واستغاثوا وهتفوا بالأموات. Donc le cheikh il dit que ceux-là les mushrikoun, ils croyaient que ces idoles qu'ils adoraient en dehors d'Allah ne pouvaient pas créer non plus. Hein, ils ne croyaient pas que ces idoles pouvaient créer, ou qu'elles pouvaient donner la subsistance, ou qu'elles possédaient la vie ou la mort, ou qu'elles possédaient la capacité de faire ressusciter les hommes. Hein. Ils savaient que ces idoles-là, elles n'ont aucun pouvoir. Hein. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui prend pour adoration ce stylo. Hein. Comme par exemple, quelqu'un il va prendre un stylo, il va dire j'utilise ce stylo pour me rapprocher d'Allah. Et commence à l'adorer, commence à le prier, commence à chercher la protection de ce stylo contre un malheur. Il croit que c'est un stylo magique ou quelque chose, hein, et il l'adore en dehors d'Allah. Si tu lui demandes, est-ce que ton stylo il a créé les cieux et la terre, il va dire non. Si tu lui dis, est-ce que ton stylo il peut se protéger lui-même, si je le prends puis je le casse, est-ce qu'il peut m'empêcher de le casser? Non. Alors comment tu l'adores, comment tu le prends comme un intermédiaire entre toi et Allah, comment tu peux lui donner un pouvoir ou une croyance? C'est parce que il croyait de cette manière-là, que ces choses-là pouvaient être prises comme des représentations et des exemples qu'ils utilisaient pour se rapprocher d'Allah, ou qu'ils croyaient, ils avaient et parfois cette croyance-là. C'est comme l'exemple qu'on a vu d'une histoire qui a été mentionnée dans un hadith Sahih al-Bukhari. À l'époque, un sahabi qui relate qu'est-ce qui se passait avant l'islam. Il dit, avant l'islam, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un peu de terre, et puis, avant l'islam, on prenait une pierre, puis on l'adorait. Puis, si on trouvait une autre pierre meilleure qu'elle, on jetait la pierre puis on prenait l'autre. Hein? Et puis des fois, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? C'est qu'ils prenaient de la terre, s'ils n'avaient pas une pierre ou quelque chose comme ça, ils prenaient de la terre, ils faisaient un petit tas avec, ils amenaient du lait de... Ils trayaient du lait de chèvre sur cette terre, et puis ils la tapaient, puis ils prenaient ça comme une idole, et puis ils l'adoraient. Hein? Donc des exemples de shirk que ces gens-là faisaient comme ça. Ils ne croyaient pas que ces choses-là ont créé les cieux et la terre, mais ils les prenaient comme des intermédiaires entre eux et Allah. Ils utilisaient ce genre de choses. des fois comme protection, des fois comme comme intermédiaire, intercesseur. Il leur offrait des œuvres ou des actes d'adoration. Et donc ceux qui font ça aujourd'hui, c'est la même chose. Ceux qui aujourd'hui font ça aux tombes, ils adorent les tombes, ils sacrifient des animaux pour les tombes, ils font des vœux pour les tombes, ils cherchent le secours des tombes lorsqu'ils ont des malheurs, ils prient les morts. Donc tout ça, c'est des exemples de shirk de la même catégorie. Et le cheikh, il mentionne la preuve que tout ça c'est du shirk et que c'est interdit d'invoquer avec Allah et d'adorer d'autres avec Allah. Il mentionne le verset 18 dans sourate Al-Jinn. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. C'est-à-dire les mosquées sont à Allah, les lieux d'adoration sont à Allah. Alors n'invoquez personne avec Allah. Donc le cheikh explique ce verset. Il dit لا يرضى الله بمشاركة أحد كائنا من كان بمشاركة أحد كائنا من كان هذا صريح في القرآن والسنة ولكن لمن يعقل ويتدبر وينبذ التقليد الأعمى والتعلل الباطل ويتنبه لنفسه والدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي بيوت الله وهي المواطن المعدة للصلاة وهي أحب البقاع إلى الله وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يجب أن تكون هذه المساجد مواطنا لعبادة الله وحده لا يحدث فيها شيء لغير الله ولا تبنى فيها القبور ولا الأضرحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك وأخبر أن هذا هو فعل اليهود والنصارى ونهانا عن ذلك في آخر حياته وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام بقوله ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد هذا يقوله وهو في سياق الموت ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Donc le cheikh explique maintenant que Allah n'est pas satisfait ou n'agrée pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui. Et ça c'est clair dans le Coran et dans la Sunna. Pour toute personne qui réfléchit et qui comprend le sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui rejette le fait de suivre aveuglément les coutumes fausses et les fausses traditions, ou les fausses arguments et les fausses raisons que ces gens-là essaient de mentionner pour justifier le shirk qu'ils commettent, et qui réfléchit et qui comprend pour lui-même. Donc toute personne qui réfléchit, il comprend cette chose-là clairement. Et la preuve que Allah n'accepte pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration, c'est le verset qu'on a mentionné dans Surat Al-Jinn, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne d'autre avec Allah. Les mosquées, c'est les maisons d'Allah. Ce sont les lieux préparés, barakallahu fik. Ce sont les lieux préparés pour la prière, pour la salat. Et ce sont les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les maisons dans lesquelles Allah a permis qu'on élève son rappel et qu'on mentionne son nom. Et il est obligatoire que ces endroits-là soient des lieux d'adoration pour Allah seul. Et qu'il n'y ait dans ces lieux-là aucune forme d'adoration qui soit faite pour autre que Allah, ou qu'on invoque autre que Allah. Donc on n'a pas le droit de construire dans ces lieux-là des tombes et des tombeaux pour les morts, comme on a mentionné tout à l'heure. Et le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celui qui faisait ce genre de choses-là. Et il a informé que Ça, c'est l'acte, et ce sont les actions des juifs et des chrétiens. C'est eux qui font ça. C'est eux qui prennent leur tombe comme des lieux d'adoration, et c'est eux qui... Ben, en fait, ils prennent les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, oui. Et les tombeaux de leurs hommes pieux, ils les prennent des églises dessus, ils font des églises par-dessus. C'est les chrétiens et les juifs qui font ça, c'est pas les musulmans. Mais aujourd'hui, il y a des musulmans qui les ont imités là-dedans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de faire ça à la fin de sa vie, au moment où il était dans l'agonie avant la mort. Il disait... ceux qui étaient avant vous prenaient les tombeaux pour des lieux de prière, des lieux d'adoration. Et il disait ça juste avant de mourir. Il dit, ne prenez pas les tombeaux comme des lieux d'adoration ou des lieux de prière parce que je vous interdis de faire cela. Et ça, on voit que ici... justement, comme je parlais tout à l'heure du frère André qui a été canonisé dernièrement, eh bien justement, dans l'oratoire Saint-Joseph, à l'endroit où ils ont canonisé le frère André, parce que c'est lui qui était à l'origine de la création de l'oratoire Saint-Joseph, à l'intérieur de l'église, à l'intérieur de l'oratoire, il y a le tombeau du frère André qui est à l'intérieur. Et il y a les gens qui vont régulièrement, hein, chaque semaine, il y en a qui vont visiter sa tombe, hein, et qui font des prières, hein, à sa tombe, et qui vont toucher, même frotter la tombe, ainsi de suite. Et il y a même un endroit plus haut, en haut, parce que quand j'étais plus jeune, j'y allais régulièrement avec ma grand-mère et avec ma mère. Et je me rappelle qu'en haut, il y a un endroit où ils ont mis le cœur même du frère André, ils l'ont gardé. Hein? Et ils l'ont exposé là-bas comme ça. Et il y a même des petits magasins là-bas où ils vendent des reliques, hein? Des petits linges, des vêtements du frère André, des petits morceaux de vêtements là qu'ils ont coupés. Ils ont dit ça, c'était les vêtements du frère André. Ils mettent ça dans un petit pendentif en or. À l'intérieur, ils mettent un petit morceau de tissu comme ça, tu vois, c'est coupé. Puis ils disent ça, c'est le vêtement du frère André. Ça. Comme ça protège ou ça porte bonheur ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des exemples de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font, les gens du livre, hein? Ils prennent les tombes de leurs hommes pieux ou ceux qu'ils considèrent comme étant pieux, ils les prennent comme des lieux de prière. Et on a un exemple ici à l'oratoire Saint-Joseph directement à Montréal. Et si tu descends à Côte-des-Neiges, tu montes un petit peu vers Queen Mary, là, c'est juste là, c'est pas loin de Queen Mary et Côte-des-Neiges. L'oratoire Saint-Joseph, oui. La grosse église qui est en haut de la montagne. Donc ça, c'est un exemple, tu vois. Et donc, c'est des exemples d'idolâtrie que ces gens-là pratiquent et de shirk. Et c'est pour ça que c'est important d'appeler les catholiques et les chrétiens à Montréal et ailleurs au tawhid et à leur expliquer l'importance du tawhid est d'adorer Allah seul et d'abandonner l'adoration des saints et des images, des idoles et des statues et des croix et d'autres choses que ces gens-là adorent en dehors d'Allah. Puisque Isa alayhi salam, il est venu pour combattre ça et pour rejeter ce genre de choses-là. Et la même chose pour tous les autres prophètes. Hein? Et il mentionne aussi un autre hadith. Le premier hadith que j'ai mentionné, c'est rapporté par l'imam muslim selon Jundub ibn Abdullah al-Bajali. Hein, quand il dit, ceux qui étaient là avant vous prenaient les tombeaux de leurs prophètes prenaient les tombeaux comme lieu de prière. Alors ne prenez pas les tombeaux pour lieu de prière parce que je vous interdis de faire cela. Et le deuxième hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui est un hadith rapporté selon Aisha radiallahu anha et Ibn Abbas, dans lequel il mentionne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière ou des lieux d'adoration. Hein? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam has forbidden Muslims to take the graves of their prophets as places of worship. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith that's narrated by Al-Bukhari and Muslim, which is an authentic the highest degree of authenticity in hadith. And he says in this hadith that may Allah's curse be upon the Jews and the Christians because they have taken the graves of their prophets as places of worship. So this is a threat, and this is a curse of the Prophet ﷺ against these people for doing that, for worshipping these graves. Et bien entendu, comme on mentionnait par rapport à ça, c'est que dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé en Irak? Les gens qui ont fait sauter l'église et tout ça, ça c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Même si on dénonce et on rejette le shirk que les chrétiens, les catholiques et les autres chrétiens font avec Allah subhanahu wa ta'ala, et on déclare que ce qu'ils pratiquent comme idolâtrie, comme adoration des statues et des idoles, tout ça c'est du shirk et tout ça c'est condamné par les prophètes et par les messagers d'Allah et que c'est interdit, sauf que ça justifie pas qu'est-ce que ces gens-là ont fait comme attentat et comme bombe et comme explosion, parce que tout ça c'est contraire à l'islam et c'est une forme de trahison et de radar et de khiyana, trahison contre eux. Et en même temps, il y a des jeunes aussi en France qui sont rentrés dans une église, ils ont dit qu'ils ont lancé des pierres sur les gens qui étaient là, et ils ont même lancé des pierres sur une des statues qu'ils ont fait de Marie, que les chrétiens adorent, en dehors d'Allah. Et ça aussi, malgré que, c'est sûr que l'islam ordonne la destruction des idoles et des statues, et interdit le shirk, mais pas de cette manière-là, et pas de cette façon-là, et c'est pas permis pour un musulman de faire ça comme ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Mecque, et il voyait les mouchrikoun adorer les idoles, et il les a jamais détruites, il les a jamais cassées. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il les cassait, s'il les détruisait à ce moment-là, de cette façon-là, ça allait amener plus de mal que le bien. Et le shirk allait pas être détruit, peut-être ils vont construire une plus grosse statue après. Donc il les a laissés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait la da'wah. Et il les a appelés au tawhid. Et il leur a expliqué que le shirk qu'ils pratiquaient c'est quelque chose de faux. Pour que par eux-mêmes ils réalisent que qu'est-ce qu'ils font c'est incorrect. Et toute la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam était basée là-dessus. Appeler les gens au tawhid. Puis quand il a eu une force suffisante par la suite, lorsqu'il est allé à Médine, et que le nombre des mouchriquines a commencé à diminuer, et le nombre des mu'minines et des gens sur le tawhid a commencé à augmenter, et qu'ils ont été forts par la suite, là, on a pu voir qu'ils sont rentrés à la Mecque, et ils ont détruit toutes les idoles, une après l'autre, sans même avoir à combattre. Donc ça, c'est pour expliquer que il faut toujours voir les situations et les circonstances dans lesquelles on est. Et d'appeler ces chrétiens-là et ces chrétiens-là au tawhid et leur expliquer que les idoles et les statues, même dans leur propre Bible, elle est interdite, l'idolâtrie. Et l'adorer les statues, c'est interdit dans la Bible. C'est le premier commandement qui est dans la Bible. Un seul Dieu, tu adoreras. Et tu n'adoreras pas, tu ne feras aucune représentation de ce qui est sculpté ou gravé ou dessiné dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Ça c'est le premier commandement dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome et dans Lévitique. Si les chrétiens retournent à ces passages-là dans l'Ancien Testament, dans Lévitique et dans Deutéronome, ils vont voir le texte exact de comment ça a été mentionné dans leurs livres. Et même s'il y a eu des falsifications dans leur livre, malgré tout il y a encore des preuves du tawhid qui restent. Le Deutéronome et Lévitique, c'est des chapitres de l'Ancien Testament. Tu n'adoreras rien d'autre, aucun autre Dieu que moi. Et il mentionne par la suite, il dit dans le même commandement, il dit et que tu ne feras aucune représentation sculpté ou gravé de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. En tout cas, si vous voulez, Inch'Allah, demain, je vous amènerai des copies des versets de ça dans l'Ancien Testament, des exemples de qu'est-ce qui est cité dans leurs livres à ce sujet-là. Et j'ai fait même un document que j'ai mis sur Boxnet, Box.net, dans les textes et les ouvrages sur l'adresse Salafi de Montréal. Si vous rentrez, vous allez voir, il y a un texte dans la section ouvrages et textes. Dans les textes, il y a un endroit où j'ai marqué les versets que les juifs et les chrétiens ont oubliés. Et dans ces versets-là, j'ai mentionné ces versets qui parlent de l'interdiction du shirk, hein, et des exemples de ce genre-là. Donc ça, c'est pour confirmer le tawhid et montrer la fausseté même, d'après les livres des juifs et des chrétiens, la fausseté de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qu'ils ont contredit le premier des commandements. Donc le cheikh dit « فالمساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية وأن لا تقام على القبور أو يدفن فيها الأموات بعد بنائها بل تكون مواطن عبادة لله وحده وتقام فيها الصلاة ويذكر فيها اسم الله ويتلى فيها القرآن وتقام فيها الدروس النافعة ويعتكف فيها للعبادة هذه هي وظيفة المساجد. Donc, le cheikh, il dit que les mosquées, il est obligatoire, hein, de les purifier de toute trace de shirk et d'idolâtrie. Et il faut établir, il faut pas qu'elles soient établies, sur des tombes, ou que des morts soient enterrés dedans une fois qu'elles ont été construites. Il faut que ces endroits-là soient des endroits où on adore uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on établisse dedans la prière, qu'on mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans, et qu'on récite le Coran, et qu'on établisse les enseignements et les durous bénéfiques, et qu'on reste dans ces mosquées-là pour l'adoration. Ça, c'est le rôle des mosquées. أما أن تقام فيها أوثان تعبد من دون الله فهذه ليست مساجد هذه مشاهد شرك مشاهد شرك وإن سماها أهلها مساجد لأن الله يقول وأن المساجد لله أي لا لغيره ولأن المساجد هي محل اجتماع الناس وتلاقيهم فيجب أن تكون طاهرة من الشرك والبدع والخرافات لأن الناس يتلقون فيها العلم والعبادة. Donc le cheikh, il dit, mais d'établir des idoles dedans, puis d'adorer ces idoles-là en dehors d'Allah, ça c'est pas des mosquées dans ce cas-là, hein, ce sont des lieux de shirk, même si les gens les appellent des mosquées. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Les mosquées, les lieux d'adoration sont pour Allah seul. Donc les mosquées, c'est les lieux où les gens se réunissent, ils se rencontrent, et il faut que ces lieux-là soient purifiés de toute forme de shirk, de toute forme d'innovation, de bid'a et de superstition. Parce que les hommes doivent apprendre dans ces mosquées-là la science et l'adoration. فإذا وجد فيها أو إذا وجد في المساجد شيئا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك ونشروه في الأرض فيجب أن تكون المساجد مطهرة من الشرك وأعظمها المسجد الحرام كما أمر الله عز وجل بتطهيره قال تعالى وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ طَهِّرْهُ مِنْ مَاذَا طَهِّرْهُ مِنَ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ وَالْخُرَافَاتِ كَمَا أَنَّهُ أَيْضًا يُطَهَّرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَالْقَذُورَاتِ. Le cheikh dit donc, si on trouve du shirk ou des superstitions dans les mosquées, alors les gens sont affectés par ça et ils commencent à propager ces choses-là sur la terre. Et donc il faut que les mosquées soient des lieux de pureté qui soit purifié du shirk. Et la plus grande de toutes les mosquées, c'est Masjid al-Haram, la mosquée à la Mecque. Et Allah a ordonné qu'elle soit purifiée. Comme il mentionne dans le verset 26 dans Sourate al-Hajj, il dit: et lorsque nous avons fait Ibrahim habiter un endroit de cette maison, hein, on l'a abrité dans cet endroit et on lui a ordonné de construire la maison, hein, à la Mecque, et on lui a dit: n'associe rien avec moi et purifie ma maison pour ceux qui viennent pour circuler autour ou pour se tenir en prière ou pour s'incliner et se prosterner, hein. Donc ça, c'est les exemples de ce qui est mentionné par rapport à la purification de la mosquée qui a été créée pour l'adoration d'Allah, la Kaaba. Puis on la purifie de quoi? On la purifie du shirk, on la purifie des innovations, on la purifie des superstitions, hein, de même qu'on la purifie également des impuretés et des saletés. Wa qawluhu ta'ala fala tad'u la nahiya wa tad'u fi'l mudari' majzumun bila nahiya wa alamatu jazmihi hadfun nun li'anna aslahu tad'un fadakhala 'alayhi al-jazim wa huwa la nahiya فلا تدعوا أيها المسلمون مع الله أحدا لا تستغيثوا بأحد مع الله كأن يقول يا الله يا محمد يا الله يا عبد القادر أو يقول يا عبد القادر يا محمد أو ما أشبه ذلك فإن الله لا يرضى بذلك ولا يقبله. Le Cheikh dit, il explique le verset: فلا تدعوا, alors n'invoquez pas. Et ça, c'est un, quand Allah dit fala, ça c'est pour une négation, pardon, ça c'est pour une interdiction. C'est le la qu'on appelle la nahiya, hein, les nahi, il vient interdire. Et donc fala tad'u, ça dit n'invoquez pas. Et à la base, c'est un verbe, tad'u, c'est le verbe présent de da'a yad'u. Fala tad'u, et il est majzoum par le la de l'interdiction. Et le signe de son jazm, le fait qu'il est majzoum, c'est le fait qu'on a enlevé le noun à la fin. Au lieu de dire fala tad'oun, on dit fala tad'ou, hein. Ça, c'est des règles de grammaire, hein. Et inshallah, si vous étudiez à la Jurumiyya, vous allez apprendre ces règles là c'est parmi les règles les plus élémentaires par rapport à ce qui est expliqué dans les règles de grammaire au sujet des verbes. Et il dit donc: ô vous les hommes, n'associez rien et n'invoquez rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et n'appelez pas au secours personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, ne dites pas ô Allah, ô Muhammad, ô Allah, ô Abdul Qadir, ou ne dites pas ô Abdul Qadir, ô Muhammad, ou des choses de ce genre, comme le font certains parmi les ignorants et parmi les égarés, ou parmi les soufiyines, hein, quand ils invoquent ou ils appellent au secours, ils disent ya Allah, ya Muhammad, hein. Et une fois même, je suis rentré dans une mosquée sur Jean Talon, et c'est une mosquée qui appartient à des soufiyines, et tu vois à l'intérieur sur le mur, ils ont écrit en grosses lettres géantes, ils ont écrit ya Allah, ya Muhammad, hein. C'est grave. Ça, c'est la mosquée sur Jean Talon, hein. Peut-être Faronaz, il la connaît, tu l'as déjà vu, cette mosquée là hein? Sous le mur, ils ont écrit ya Allah, ya Muhammad. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fala tad'u ma Allahi ahada. Wa anna al-masajid lillah, fala tad'u ma Allahi ahada. Les mosquées sont à Allah, alors n'invoquez rien avec Allah, n'invoquez rien dans ces mosquées-là avec Allah. Donc, ça, c'est des exemples des gens qui invoquent d'autres avec Allah dans les mosquées. Ça, c'est grave, hein. Et le Cheikh, il dit: wa qawluhu ta'ala ahada nakira fi siyaq an-nahy. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. If someone calls upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam after his death, no doubt that this is a kind of shirk, is a kind of shirk, that you're associating the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with Allah subhanahu wa ta'ala. So there's no doubt that this will make someone leave Islam, leave the fold of Islam. But unless the person is ignorant, then he has to be taught, he has to be educated, and he has to be shown that this is shirk. And once he understands and he rejects it, then in this case, then we'll consider that person to be a mushrik, or someone who is an associator, someone who is associating with Allah. Otherwise, if the person, you explain to that person that this is shirk, and the person comes back to Islam and repents to Allah subhanahu wa ta'ala and stops doing it, then in this case you will consider that person to be a Muslim, you know. Donc il reste juste une petite ligne, une phrase à terminer. Donc on va terminer avec ça, inshallah. Le cheikh il dit, قوله تعالى أحدا نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد ولا يستثنى أحد. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم ولا وثن ولا قبر ولا شيخ ولا ولي ولا حي ولا ميت ولا كائنا من كان. Donc quand Allah dit فلا تدعوا مع الله أحدا, c'est-à-dire أحدا, ça veut dire quiconque. Donc peu importe qu'est-ce que ça peut être, ça c'est une négation une interdiction indéfinie, une interdiction indéfinie. C'est-à-dire que ça implique l'interdiction de tout ce qui peut être invoqué en dehors d'Allah, sans limite ou sans exception. Donc peu importe qu'est-ce que tu adores, que ce soit un ange rapproché, un messager envoyé, une idole, une statue, une tombe, un cheikh, un saint, un wali, un vivant ou un mort, peu importe qu'est-ce que tu invoques en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, c'est considéré comme étant une forme de shirk. Et si tu l'invoques, si c'est un vivant par exemple, et que tu lui demandes de faire quelque chose pour toi, que c'est seulement Allah qui peut le faire, dans ce cas-là, ça c'est du shirk aussi. Ou bien tu invoques quelqu'un qui est absent, qui est vivant mais qui est absent, qui est loin, et que tu lui demandes de l'aide ou du secours, à ce moment-là, dans ce cas-là, ça rentre dans le shirk aussi. Donc, exactly. But the thing is that some people, they don't understand the fact that to believe in one God doesn't only mean that you recognize that there is one creator in this world. Some people think that the moment that you say, I believe in one God, one creator, that's enough. You can take intermediates between you and Allah and call upon them, and that's not shirk, or that's not wrong. So they believe that you can still be a Muslim and pray to saints or pray to graves or ask dead people to help you or things like that. And they say that this is not against Tawheed or against the fundamentals of Islam. Because they don't understand that the meaning of La ilaha illallah is there is nothing worthy of being worshipped except Allah. They think that La ilaha illallah means there is no creator but Allah. But this is not the meaning of La ilaha illallah. La ilaha illallah doesn't mean there's only one creator, or there's only one God, or there's only one... It doesn't mean that. It means you believe that there's only one God, but you should only worship Him because He's the only one who deserves to be worshipped. Nothing else deserves to be worshipped except Allah. But the thing is, the problem is that you will find in a lot of Muslim countries people who have went astray from that and have started worshipping their shuyukh or their imams or their saints or some dead people. They worship them other than Allah and they think this is okay. Yeah, but it's not just to submit to Him. What does it mean to submit only to Him? It means that you will only worship Him and you will reject everything that is worshipped outside of Him. That's it. But these people don't understand that. These people, they say, we are Wahhabis. If you tell them only one God you should worship, they say, oh, you're a Wahhabi. Because they are following other understandings of Islam, innovations, things that people have invented, and the shaitan has seduced them. Because in the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and after his death, there was no division between Muslims. All Muslims were together in one belief, in one practice of Islam. There was nobody came inside the ranks of the Muslims to invent new things yet. people were left upon what the Messenger sallallahu alayhi wa sallam has left them upon, and they are upon the pure Islam. After this, there's some people came in from different religions, and sometimes from hypocrites or from ignorant people. They came into the ranks of the Muslims and started to invent new beliefs, new ways of worship. So the scholars of Islam, based upon the text of the Quran and the Sunnah, established certain distinctions by using certain terms or certain names to make a differentiation between those who follow the truth and those who follow misguidance and innovation. So they give the name, they give to the people who bring innovations specific names to identify them and to distinguish them from the rest of the Muslims. And at the same time, they confirm their affiliation to the Quran and to the Sunnah by using certain terminologies like Ahlus Sunnah, meaning the people who stick to the Sunnah, Ahlus Sunnati wal Jama'ah, meaning the people who stick to the Sunnah and to the Jama'ah. Or they will say, for example, As-Salafiyun, meaning those people who stick to the example of the Salaf, meaning the first Muslims, the Sahaba and the Tabi'een and those who follow them. Or they will use another expression like Ahlul Hadith, the people who stick to the Hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They don't base their religion upon opinions or whims or dreams or other things. They base their religion upon the Hadith, which is the proof that's transmitted by the chain of narrators from the Prophet ﷺ to us. Or they will call them other names like Al-Firqatul Najiya or Ta'ifatul Mansura, meaning the saved group. Because the Prophet ﷺ said, after me, this ummah will divide into 73 groups or 73 sects, and they will all be in hell except one. And when the Sahaba said, which one will it be, O Messenger of Allah? He said, it's the one that follows what I am following and my companions. So meaning, if you want to be on the safe group, you have to follow that example of the example of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the understanding of the Sahaba. But a lot of people now today, even though they claim to be upon Islam and following the Quran and the Sunnah, when it comes to the understanding of it, they go to others. They go to other things. They follow understandings of people who came after the Sahaba and who invented new understandings of Islam. That's why we differentiate ourselves from them, and we clarify to them that if you want to be a true Muslim and follow Islam the way it was understood by the first Muslims, then you have to follow the way of Ahlus Sunnah, the way of the Salaf. And this is why we use these terms to differentiate ourselves from the Khawarij, from the Mu'tazila, from the Jahmiya, from the Asha'ira, from the Sufiya, from all the other groups that appeared throughout the Islamic history, throughout the time, yani. Wallahu a'lam. So this is the reason, this is just a summary, but otherwise you can find a lot of different it's not so complicated, inshallah, if you take some time to study it, and inshallah, if you wish, I will bring for you some lectures and courses that have been given by brothers who speak better English than me, and that have no, but they explained it very, very in detail, and they bring evidence of this from the Quran and the Sunnah, and explaining in depth. So I guess that you, inshallah, you will be more convinced by what they bring, inshallah, since they explain it in their own language. So I will stop here, inshallah, and we continue tomorrow, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu feekum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.